L'actualité à Nancy et ailleurs. Uranimation est une association basée à Saint-Jean-d'Ormont et qui organise depuis de nombreuses années des événements. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Jean-Paul Lambert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association ? Alors, je suis président depuis peu. Hein. C'est ma deuxième année en tant que président. Je succède à Christian Demange. Pendant 10 ans, il a été président, Christian Demange. Avant lui, il y avait encore eu d'autres présidents. Et là, l'association, elle a 30 ans. Alors, et 30 oui. ans... au mois de mai, à l'occasion de la 30e course de côte qu'on fêtera les 30 ans de Uranimation. Pour resituer un peu Saint-Jean-d'Ormont, c'est où ? Alors Saint-Jean-d'Ormont, c'est dans la vallée du Hure. La vallée du Hure, c'est au pied du massif de l'Ormont. C'est quand on prend la direction de la Voivre et puis on monte sur Urbage, Denipère, Saint-Jean-d'Ormont, le Mansa. En fait, c'est toute une vallée. Et Uranimation, ce n'est pas que Saint-Jean-d'Ormont, c'est 5 villages. C'est une association qui regroupe tous les maires de toutes les communes qui faisaient partie de Uranimation. Aujourd'hui, c'est encore le cas, mais c'est un petit peu différent quand même, parce que certains sont moins présents. L'association, on a 30 ans, et les membres, ils ont pris de l'âge aussi, ce qui fait que on a beaucoup de mal à recruter et à trouver de la jeunesse pour venir remplacer tous ces retraités que nous sommes. Et on vous souhaite de trouver la relève. Ce qui a marqué la vie de l'association Uranimation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est cette course de côte, c'est ce rendez-vous du 1er mai. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? À l'occasion de cette première course de côte, c'est Christian Demange qui est à l'initiative de cette première course de côte. Alors, je pourrais pas vous donner dans les détails, mais il y avait plusieurs personnes qui l'ont sollicité. Il a dit « Pourquoi pas ?» Ils n'avaient pas un sou, ils y sont allés comme ça, au culot. Ils ont pris des risques même, mais ils l'ont joué tout petit au départ. Et puis, cette course de côte, elle a pris, malgré qu'elle reste régionale, elle devient un rendez-vous pour les passionnés. Et tous les ans, on a notre public, quoi. Ce qui fait que, après, à travers l'association... Et comme la course de côte, ça avait plutôt bien fonctionné, ils ont eu envie de proposer autre chose. Donc, l'année qui a suivi, ils ont proposé le marché de Noël. Et puis après, il y a eu les spectacles. On a fait venir des artistes. Il y a pas mal d'artistes qui sont venus dans la scène polyvalente de Saint-Jean-d'Ormont. Le premier artiste à avoir fait un spectacle avec Uranimation, ça a été Pierre Bachelet. On a eu Nicoletta, Michel Thor, Gilbert Montagnier, et beaucoup d'autres. Chimène Badi, il n'y a pas très longtemps. Voilà, maintenant, on a un peu plus de mal à organiser ce genre de manifestation avec des artistes qui chantent, que c'est très cher, et celle de Saint-Jean-d'Ormont, la capacité, c'est 700 places, alors c'est limité. Vous ne vous découragez pas, il y a notamment ce rendez-vous auto, la course de côte, mais là, où, en avril, vous allez aussi proposer un autre rendez-vous. Ce ne sera pas chanté, ça va être plutôt vivant. On a dû annuler notre spectacle avec Natacha Saint-Pierre, parce que les gens ne réservaient pas, ça n'avançait pas, donc... on a préféré annuler plutôt que de maintenir une salle à moitié vide. Et donc, on avait une proposition pour faire un gala de catch. Et donc, j'ai sollicité l'organisateur. Et c'est très vite qu'il est revenu vers moi et m'a proposé donc ce qu'ils étaient capables de faire. Et on a présenté ça en réunion à Uranimation. Et tout le monde était à l'unanimité d'accord pour organiser... ce gala de catch. Voilà, qui aura lieu le samedi 18 avril au gymnase Emmanuel Demange. C'est quand même quelque chose qui a la route, hein. C'est un niveau européen, ce sont des internationaux qui vont venir se rencontrer là. On va avoir donc 6 combats, dont un combat avec 2 catcheuses qui vont être là. Et je crois même qu'il est prévu au final un combat mixte. Pour nous, c'est une première. On pense que ça peut être très très bien parce que l'organisation Flash Gordon se déplace dans toute l'Europe et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il y a toujours des amateurs pour ce genre de manifestation. Voilà, un événement spectaculaire le samedi 18 avril, ce sera à 20h30. Là, il faut déjà réserver ses places ? Alors, il faut réserver ses places, tout à fait. Les réservations, elles se font par téléphone. Le tarif des places, il y a 2 tarifs. Il y a un tarif fauteuil. Et on a un tarif chaise. Donc le tarif fauteuil, il est à 20 euros. Et le tarif chaise, il est à 15 euros. Les réservations, ce sera... il y a 2 numéros de téléphone. C'est le 06 06 40 99 75 pour le premier numéro. Et autrement, il y a aussi un autre numéro pour les réservations. C'est le 06 79 39 83 69. Donc les gens, ils téléphonent. Ils font la réservation du nombre de places qu'ils veulent. Ils nous envoient le chèque réservation. Et puis nous, on leur retourne les billets. Quoi. On mettra toutes les infos pratiques aussi sur le site internet. Et on retrouve aussi tout ça, notamment sur la page Facebook de Uranimation. Oui, tout à fait, oui. On a des jeunes qui s'occupent de ça, de notre page Facebook, et ils le font très bien d'ailleurs. La relève. On n'a pas beaucoup, mais ceux qu'on a, ils sont bons. Voilà, parfait, il faut les garder. Donc, ah, rendez-vous okay. Déjà le 18 avril pour ce spectacle de catch. Et la course de côte, ça, on note aussi 1er mai à Saint-Jean-d'Ormont. Saint-Jean-d'Ormont, oui, tout à fait. Et là, on va essayer de faire quelque chose, on ne sait pas encore quoi, mais comme c'est la 30e, on voudrait marquer le coup. On a un partenaire qui est l'Azamircourt. L'Azamircourt, c'est lui qui est organisateur administratif, qui s'occupe de l'organisation administrative de la course de côte. Nous, on est organisateur technique. En partenariat avec eux, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu à part. On ne sait pas quoi encore, mais quelque chose qu'on n'a jamais fait, quoi. Quelque chose de spectaculaire. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui va venir sur place pour animer. On est à la recherche d'idées pour cela. Mais bon, j'ai confiance, on va bien finir par trouver. Bien sûr. Voilà, pour bien fêter dignement les 30 ans de Uranimation, on va retrouver, suivre votre actualité, notamment sur Facebook. Merci beaucoup, Jean-Paul Lambert. Et je vous en prie. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.